L'envoûtement d'Henri Rivière. Henri Rivière, l'envoûtement, tiré de recueil de nouvelles de K. Brémond-sur-Seine est en Normandie une petite ville de 5 ou 6 000 âmes. Elle n'a ni industrie, ni manufacture, ni garnison, mais elle possède en revanche un sous-préfet et un tribunal de première instance. La population de Brémond, divisée en 3 classes fort distinctes, se compose de rentiers, de commerçants et de cultivateurs. Chacune de ces classes occupe une partie séparée de la ville. Les rentiers forment en général ce qu'on appelle la société. Cette société, quoique peu riche, est très aristocratique. Depuis la Révolution, beaucoup de familles nobles, ruinées ou dans la gêne, se sont retirées à Brémond, qui avait autrefois une certaine importance dans la province. L'évêque y venait souvent pour officier dans la cathédrale, une des plus anciennes et des plus élégantes de la Normandie, et il s'y plaisait à cause de la beauté du site. Henri IV avait également aimé Brémond, où l'on montre le joli hôtel qu'il fit bâtir pour Gabriel d'Estrées. Ces souvenirs expliquent encore la préférence que la noblesse accorde à Brémond. Aussi, à l'époque où s'ouvre ce récit, il y a tout au plus une dizaine d'années, rencontrait-on par la ville des chevaliers de Saint-Louis et des gardes du corps de Charles X, qui vivaient là modestement mais noblement avec leur famille. Ce petit monde, fort exclusif, s'adjoignait pourtant la magistrature qui lui rappelait, quoique d'un peu loin, la noblesse de robe. Enfin, au jour de gala, comme à point à leur cercle habituel et peut-être par une indulgente concession aux idées nouvelles, la noblesse et la magistrature consentaient à recevoir dans leur salon le sous-préfet et les employés du gouvernement, tels que le receveur et le contrôleur des finances. Il était pourtant décent qu'ils fussent bien apparentés. Ce faubourg Saint-Germain de Brémond habitait dans le haut de la ville de belles et vastes maisons entre cour et jardin. C'était un quartier solennel, mais silencieux et presque désert, que n'ébranlait jamais le bruit des carrosses, où circulait parfois une chaise à porteur et où l'herbe croissait entre les pavés. À partir de ce point culminant, la ville, composée d'habitations plus modestes, descendait par des rues un peu plus animées les pentes de la colline où elle est bâtie, et s'éparpillait en demeures rustiques ou en cabanes de pêcheurs et de bateliers sur les bords même de la Seine, qui, s'arrondissant dans son cours et toute semée d'îles, fait à la gracieuse cité une ceinture d'eau et de verdure. Là pourtant se groupait un petit nombre d'hommes qu'on redoutait beaucoup et qu'on appelait les gens du bord de l'eau. Ce sont les aides de pont et les bateliers de service lors du passage des trains de bois ou des bateaux qui naviguent sur la Seine, et aussi quelques cabaretiers et logeurs de nuit dont la clientèle toute fortuite est à bon droit surveillée par le commissaire de police. Ce bord de l'eau, ombragé d'arbres, pendant l'été, mais tout effondré en hiver, peuplé de cabarets douteux d'où s'échappaient parfois les éclats d'une joie grossière, était donc alors et est encore aujourd'hui un lieu assez mal famé, qu'on ne fait que traverser pour franchir le pont au-delà duquel se rencontre dans l'île verte, sous des ormes et des chênes séculaires, la promenade favorite de la ville. Le président Hénaud Doncières était en ce temps le personnage le plus important du pays. Il était, il est vrai, de la plus vieille et de la plus authentique noblesse de robe et d'épée. Son père, un président à Mortier, l'avait élevé à l'étranger pendant l'émigration, dans les traditions de l'ancienne magistrature. Revenu en France au commencement de la Restauration, le jeune homme avait très brillamment débuté comme substitut du procureur du roi. Il avait une physionomie expressive, la parole facile, le geste élégant, et surtout un grand charme dans toute sa personne. Très hardi et très serré, hautain et redoutable dans les procès qui avaient la moindre couleur politique, il n'usait plus, si cela se peut dire, que d'une indulgente sévérité dans les causes plus délicates, où l'honneur et la réputation d'une femme étaient en question. Il s'attendrissait, malgré lui, en regardant l'accusée, si elle était jolie, et s'amollissait aux sourires, aux encouragements tacites des belles spectatrices que sa parole avait attirées dans la salle. À la rigueur, le plaidoyer du défenseur se trouvait tout entier dans le réquisitoire de l'avocat du roi. Il ne s'agissait que d'en émousser complètement les quelques angles qui subsistaient encore et de signaler, pour s'y appuyer, les défaillances visibles et miséricordieuses de l'accusateur. Celui-ci, qui ne demandait qu'à se voir vaincu, réussissait souvent à l'être. Tout y concourait. La sympathie de l'auditoire, qu'il avait tourné à la clémence, les brillantes variations du défenseur sur le thème même de son adversaire, que Thémis, ainsi que l'amour, pouvait et devait avoir parfois un bandeau sur les yeux, les heureux souvenirs de jeunesse évoqués chez les juges. Mais cette défaite était un triomphe. Le jeune magistrat, tour à tour compté ou fêté au palais, avait de grands succès dans le monde. On lui savait gré de ce désistement de parti pris en face d'amoureuses faiblesses, qu'on ne jugeait point alors très criminelles. M. Doncières vécut ainsi près de 15 ans dans les plaisirs. Mais observant une mesure et une réserve parfaites, fuyant avec le plus grand soin pour lui-même le scandale, qu'il excusait si généreusement chez autrui. Il semblait promis au plus bel avenir quand la révolution de 1830 éclata. Ce fut pour lui un coup fatal. Il avait à un trop haut degré le respect de son nom et de sa caste pour pactiser avec le nouveau gouvernement. Aussi, quoiqu'il n'eût que peu de fortune, se refusa-t-il aux avances qui lui furent faites. Seulement, ne voulant point renoncer à sa profession, qu'il aimait, il accepta la présidence du tribunal civil de Brémont, où il était né et où il avait quelques biens. Froissé par les événements, amené par eux à des idées sérieuses, ayant dépassé d'ailleurs la première jeunesse, le président se maria et ne songea plus qu'à exercer ses nouvelles fonctions avec cette autorité tombant de haut, bienveillante et digne, qui est le vrai caractère de la justice. Malheureusement, il n'avait point épousé la femme qui lui eût convenu. Madame Doncières, fille noble, mais ayant le sentiment absolu de ses droits et de ses devoirs d'épouse, mit à un prix trop élevé le bonheur négatif qu'elle eût pu lui donner. Au bout de 2 ou 3 ans, après la naissance d'un fils, le président, si résigné qu'il fût à son abdication volontaire, s'ennuya considérablement et regretta les succès de tout genre qui lui étaient si doux autrefois. Hélas, il n'avait plus ses joutes oratoires si brillantes auxquelles il avait excellé, et quand ses regards parcouraient la salle du tribunal, il n'apercevait même plus ces femmes élégantes et gracieuses, avides d'émotions judiciaires, dont la présence lui eût souri dans sa tâche ingrate. Il n'y avait le plus souvent d'autres accusés que de vulgaires vagabonds, et l'auditoire ne se composait que de maraîchers et de ces petits rentiers qui ont l'habitude en province de se chauffer ou de dormir à l'audience. Le magistrat ne perdait rien de son grand air, ni de son zèle. Mais l'homme poussait un soupir. Cependant, il y avait parfois au banc des accusés ou des témoins de jolies filles, et peu à peu, par désœuvrement, par curiosité, le président se prit à leur accorder quelque attention. On put remarquer alors que son visage froid s'éclairait et qu'il penchait volontiers vers l'acquittement. Le peuple devine promptement les faiblesses de ceux qui sont au-dessus de lui. En diverses circonstances, des gens hardis ou bien avisés sollicitèrent du président, par les moyens les plus propres à le gagner, des sentences favorables. Ils les obtinrent. Ce juge que les honneurs, la fortune, les influences eussent trouvé incorruptible se montra par degrés d'une facilité toujours plus grande à certaines supplications qui lui étaient adressées. Une fois sur cette pente, il eut, à mesure que les années lui vinrent, un goût de plus en plus vif pour ses obscurs plaisirs. À Brémond, cela ne pouvait être longtemps un secret. Tout se sait en province. On parlait de la petite porte du jardin de M. Doncières, dont la garde était confiée à un valet de chambre, Frontin émérite, qu'il avait amené avec lui à Brémond et qui remplissait, disait-on, les fonctions de Lebel auprès de celui 15 de la magistrature. Les escapades du président étaient un sujet qu'on abordait en souriant. La société aristocratique de Brémond ne se formalisait pas pour si peu. Quel était en somme le plus grand crime de ce galant homme, sinon de sauver de jolis coupables? Les vieux roquentins l'enviaient, puis il imposait à l'opinion par son nom, son urbanité, ses grandes manières, sa tenue même, qui n'était point de notre époque. On le respectait comme un des plus séduisants représentants de l'ancienne cour. Dans ce petit monde de noblesse, il était à sa place, et cette place était la première. À 59 ans, le président était grand, mince, un peu voûté. Il portait haut sa tête intelligente et fine. Le front fuyait, et des cheveux, d'une singulière et soyeuse blancheur, voltigeaient en ailes de pigeon de chaque côté des tempes. Les yeux, quelque peu fatigués, avaient pourtant de vifs éclairs sous leurs lunettes d'or. La bouche libertine et bienveillante ne se dessinait pas toutefois avec d'aussi fermes contours qu'autrefois. La lèvre inférieure s'abandonnait légèrement. Un observateur eût examiné M. Doncières avec intérêt. On pouvait découvrir en effet d'inquiétants symptômes dans cette organisation si vigoureuse jusque-là, mais désormais aux prises avec le déclin de l'âge et avec une passion violente qui ne s'apaisait point en se satisfaisant. Parfois, dans la société du président, on échangeait quelques remarques à son sujet. « Bast, c'est un aimable homme, » disaient les plus indulgents. Mais d'autres, plus sévères ou plus clairvoyants, secouait la tête en émettant un doute. « Le président, disait-il, pourrait bien faire une mauvaise fin. » Il y avait encore à cette époque, pour traverser la France, de ces longs et lourds chariots, à 4 roues, traînés par 5 ou 6 chevaux, et que surmontaient soit des compartiments en bois, soit des cerceaux, recouverts de toile. Quand une de ces voitures venait à passer, on accourait pour la voir en disant « Voilà les bohémiens !» C'était effectivement un spectacle bizarre. Plusieurs familles, toute une petite tribu, grouillaient dans l'immense machine. Sous le véhicule même, dans des filets de cordes ou de treillis de bois évasés, suspendus par des chaînes, il y avait des enfants et des chiens. Dans les compartiments, on se logeait et on faisait la cuisine. Et sur le devant, les femmes ravaudaient de vieilles hardes, tandis que les hommes raccommodaient ou étamaient des chaudrons. La voiture, en marchant, jetait un grand bruit de ferraille et offrait un baroque étalage de haillons éclatants, de costumes fanés, constellés de paillettes et d'instruments de tout genre. Ces gens-là, dont la race se perd, qu'on retrouve encore par petites bandes en Espagne, parcouraient l'Europe en nomades, faisant différents métiers, les uns au grand jour, les autres en cachette, étameurs, saltimbanques, diseurs de bonne aventure, ménétriers. Les hommes, petits, grêles, le teint olivâtre, les cheveux plats, avaient l'œil vif et inquiet, les dents aiguës et blanches. Quant aux femmes, les vieilles avec leurs vêtements sordides, leurs cheveux emmêlés, leurs nez crochus, représentaient assez bien des sorcières, tandis que les jeunes, amaigris par leur rude existence, hâlés par le soleil, mais de formes élégantes et sveltes, avaient une beauté étrange et maladive. Arrivés au but de leur voyage, les bohémiens campaient en dehors, et à petite distance des villes et des villages, souvent même en pleine campagne, d'étaler leurs chevaux, qu'ils attachaient aux roues de la voiture ou qu'ils laissaient paître au rebord des fossés, puis se dispersaient pour exercer en ville leur industrie ambulante ou pour aller à la maraude, dans les fermes voisines. Qu'il s'agît pour eux de gagner leur vie ou de faire un mauvais coup, ils étaient tour à tour humbles et effrontés, astucieux et voleurs. Aussi inspiraient-ils partout une extrême défiance, beaucoup de curiosité, une espèce de crainte superstitieuse. Par un des premiers jours de l'automne, un de ces chariots qui venait de Paris gravit péniblement la grande rue de Brémont et s'arrêta sur la route de Rouen, non loin de la place du marché. Ce soir-là, il ne se passa rien d'extraordinaire, mais le lendemain, au moment de se remettre en marche, il y eut parmi les bohémiens une scène à la fois attendrissante et bouffonne, à laquelle les désœuvrés de la ville ne comprirent pas d'abord grand-chose. Les bohémiens étaient réunis en cercle autour d'un de leurs camarades auxquels ils adressaient avec force gestes des remontrances et des prières. Celui qu'ils pressaient, ainsi, était un vieillard malingre et chétif, évidemment miné par la maladie. Il avait un bissac sur l'épaule, un bâton à la main, et semblait résolu à ne point partir avec ses compagnons. Il écoutait sans répondre, et secouait négativement la tête avec une obstination triste. Il leur montrait ses membres maigris, sa poitrine rentrée, témoignant ainsi de l'impossibilité où il était d'aller plus loin. À ses côtés était une belle fille, d'une vingtaine d'années, muette comme lui, décidée sans doute à partager son sort. Elle se tenait les bras pendants le long du corps, avec des larmes dans les yeux, en regardant ses compagnes. Quand les bohémiens virent qu'ils ne pouvaient ébranler la résolution du vieillard, ils se concertèrent un moment et firent lentement leurs derniers préparatifs. Pendant ce temps, les femmes emplissaient le bissac de provisions et de linge. Puis, hommes et femmes vinrent embrasser le vieux bohémien et sa fille, poussèrent à la fois un grand cri guttural et gémissant, et se précipitant dans le chariot pour ne plus les voir, s'éloignèrent rapidement. Le vieillard et sa fille accompagnèrent des yeux la voiture jusqu'à ce qu'elle eût tourné l'angle de la route et rentrèrent en ville. Ils descendirent la grande rue et s'acheminèrent vers le quartier du bord de l'eau. C'était là, en effet, que devaient vraisemblablement loger des bohémiens comme eux. Ils suivirent la Seine jusqu'aux dernières habitations de Brémont, les dépassèrent et s'arrêtèrent à une petite maison située au confluent même de la rivière et d'un ruisseau qui traversait une prairie. On arrivait à cette maison, ou plutôt à cette masure, par un pont branlant jeté sur le ruisseau. La porte disjointe ne fermait que par une mauvaise serrure. et aux deux seules fenêtres qui existassent attenaient des contrevents vermoulus. Le vieillard avait sans doute loué cette maison la veille, car il y pénétra au moyen d'une clé qu'il tira de sa poche. Quel que fût le délabrement de cette demeure, les bohémiens n'étaient pas gens à s'en étonner. Ils déposèrent leurs minces bagages sur le sol, puis le père de la jeune fille alla s'asseoir avec une sorte de plaisir accablé sur un banc de pierre que chauffaient en dehors de la maison les rayons du soleil. « Enfin, ma pauvre Gilda, fit-il, je pourrais mourir tranquillement ici. Vous ne mourrez pas, mon père. Vous reprendrez des forces, et nous rejoindrons nos compagnons. En attendant, je vais voir si on nous apporte ce qu'il nous faut. » Elle revint au bout d'une heure avec une charrette à bras qui contenait les meubles et les ustensiles indispensables à la vie. L'installation fut très simple, et l'existence que menèrent le père et la fille plus simple encore. Chaque jour, dès que le soleil avait un peu de force, ils s'en allaient à la rivière, et là s'asseyaient sur l'herbe de la berge, à côté des pêcheurs à la ligne. Le vieux bohémien s'étirait à la chaleur et s'assoupissait. La jeune fille, sans pensée apparente, regardait distraitement couler l'eau. Parfois, elle laissait ses pieds nus trempés dans le courant, ou, cueillant les petites fleurs de la rive, les plaçait à son corsage et dans ses cheveux. Aux approches du soir, elle partait avec son père. L'existence de ces deux êtres eut donc passé parfaitement inaperçue si Gilda n'eût été bientôt, pour quelques hommes de la ville qui s'avisèrent de la regarder, un objet d'étonnement et de curiosité. La pauvre enfant portait une vraie robe de saltimbanque, en soie jaune éraillée, et au bas de laquelle était cousu un rang de paillettes. Cette robe, trop étroite et trop courte, accusait des formes délicates et découvrait des épaules et des bras d'un admirable modelé. Dans la position où elle se tenait le plus souvent, son visage s'offrait de profil. L'œil rêveur, incertain, ombragé de longs cils, se fendait en amande. Le regard s'en échappait humide et velouté. Les lèvres rouges s'entr'ouvraient sur des dents d'une blancheur extrême, quand Gilda, tout en chantonnant, mordait la tige d'une de ses fleurs. Ses cheveux abondants et rudes, violemment rejetés en arrière, étaient maintenus par un cercle de cuivre. Toute la physionomie de la jeune bohémienne, dans sa mobile expression, avait un caractère extraordinaire, passionné, presque sauvage. Parmi ceux qui voyaient cette singulière créature, l'impression fut bientôt générale. Comme la belle saison durait encore, on se promenait assez souvent au bord de l'eau, sous une rangée d'arbres bien plantés. Quelques vieux gentilshommes y flânaient volontiers l'après-midi. Ils lorgnaient Gilda avec complaisance et formulaient ainsi leur admiration pour elle. « Cette fille du diable est un morceau de roi !» Naturellement, M. Doncière avait été prévenu. Il venait lui aussi régulièrement vers 4 heures, après l'audience, et donnant le bras à un ami, rôdait autour de Gilda. Il la trouvait charmante et ne se lassait pas de la voir. Cette brune fille, toute de flamme et de mystère, avait pour lui l'attrait de l'inconnu. Puis elle ne ressemblait à aucune autre femme. Le président faisait plusieurs tours de promenade, s'en allait, revenait encore. Il ne quittait guère la place que lorsque le bohémien et sa fille étaient partis. Un jour, on ne les vit plus. Le vieillard qui se plaignait la veille d'être plus fatigué que d'habitude s'était éteint pendant la nuit. Après avoir pleuré toute la matinée, Gilda sortit à l'aventure. La pauvre enfant cherchait quelqu'un qui l'aidât à ensevelir et à enterrer son père. Elle ne pensait pas qu'il y eût autre chose à faire. La première personne qu'elle rencontra fut un batelier nommé Jean-Pierre. Il lui dit qu'il l'aiderait, mais qu'on n'enterrait point ainsi un homme dans un coin. « Comment faire ? » lui dit-elle. Ah, voilà, répondit-il. Avez-vous de l'argent? Oui, alors tout ira bien. Tout alla bien, en effet, sauf que le curé de Brémond refusa d'enterrer en Terre Sainte un bohémien qu'il ne connaissait pas. Le fossoyeur, Jean-Pierre, qui lui servait d'aide, et la jeune fille accompagnèrent seuls le cercueil. En revenant, Gilda remercia Jean-Pierre avec effusion, et celui-ci, tout ému pour la première fois de sa vie en face d'une femme, se mit à sa disposition. Elle lui répondit qu'elle n'avait besoin de personne et resta plusieurs jours sans sortir de sa demeure. Cet événement fit du bruit dans cette petite ville, qui était fort pieuse. On se garda de blâmer le curé, mais on s'inquiéta de cette jeune fille qui ne devait pas savoir le premier mot de la religion. Les dames patronesses se consultèrent, allèrent trouver Gilda et lui proposèrent de se faire chrétienne. Elle ne savait point ce que c'était. Elle y consentit néanmoins et apprit très rapidement ce dont on l'instruisit. On parla bientôt d'elle comme d'une merveille. Le curé seul ne se prononçait pas. Il lui semblait que cette conversion était trop facile. La bohémienne fut baptisée avec apparat et fit peu de temps après sa première communion. Ce fut un grand jour. Gilda, vêtue de blanc avec une coquetterie pleine de luxe, assistée des principales matrones de la ville, fut édifiante de modestie et de piété. Tout Brémond l'admira. C'était une âme arrachée à Satan, et l'on s'en applaudit fort. Malheureusement, ce qu'il y a de difficile dans la charité du prosélytisme, c'est le lendemain du triomphe. Il fallait subvenir aux besoins de la catéchumène et ne la point laisser exposer aux pièges de ce monde. Ses protectrices imaginèrent de la faire venir à tour de rôle travailler en journée chez l'une d'elles. Gilda les enchanta par sa docilité. De plus, elle cousait et brodait comme une fée. Madame Doncière, qui, en sa qualité de sainte femme, avait non seulement beaucoup d'ordre, mais ignorait en outre les légèretés de son mari, prit surtout la jeune fille en affection. Le président, par d'onctueuses et magistrales paroles à ses hypocrites, encouragea sa femme dans cette bonne œuvre. Le fait est qu'il comptait bien en profiter. Il n'était point de petits cadeaux de chiffon et de toilette qu'il ne fît à la jeune fille. Gilda les recevait et s'emparait sans se faire prier. Toutefois, un jour que M. Doncière devint quelque peu entreprenant, elle se mit à rire. Elle avait trop longtemps vécu sur les grands chemins et au milieu de ses compagnons pour ne point prévenir à ce moment-là le président. Mais elle n'avait pas cru que le vieillard pût songer sérieusement à lui faire la cour. Le président pensa qu'il fallait porter un grand coup et lui offrit galamment une jolie bourse pleine d'or. Elle la prit en riant de plus belle, et la glissa prestement dans sa poche. M. Doncière, qui était seul avec Gilda, crut avoir ville gagnée, et ne cacha pas sa croyance. Mais Gilda tira vivement un petit poignard qu'elle cachait dans son corsage, et marcha si résolument sur le magistrat qu'elle le fit reculer jusqu'au mur. Si sérieuse que fût cette résistance, elle n'en parut pas moins déloyale à M. Doncière. Peut-être aussi, avec ses 59 ans, ne comprenait-il plus la prodigalité sans compensation immédiate. « Cordieu, dit-il, ma chère, alors rendez-moi la bourse. » Gilda ouvrit de grands yeux étonnés, s'éloigna, hésita une seconde, puis, avec un indicible dédain et d'un mouvement brusque, elle jeta la bourse au nez du président. Celui-ci, furieux, voulut s'élancer. Mais elle le tint en respect. Ses yeux étincelaient. Elle était toute prête à frapper. Monsieur Doncière n'avança point. « Dans ce cas, fit-il, c'est bien, mais, mamie, tu t'en repentiras. »